Attention à l'erreur qui cause des gars, yo, yo. À la recherche d'un bon début, à la recherche d'un bon débat à amener. Car trop garde la manie de débuter et confondre technique et pensée profonde. Peut-être féconde, stérilité lyricale dans le monde. Du hip-hop, peu de messages passent, peu de gens sombres. Trop pour rien gronde et cela raconte entre sa gompe. Un coup de fusil à pompe, tant pis pour eux. Preuve que trop j'acte comme des pieds, sans répit ça rappe. Et ça entier puis je dirais, c'est répugnant, inconvénient dans le hip-hop comme un vigno dans un nez. Avala le nouveau-né qui va se faire détrôner pour la culture à qui le tour d'arracher. Ou de se déchirer, se retrouver dans le coltard à moitié chiré. C'est pour ça que je saute le cerceau, utilise mon cerveau. Pour pas me croûter et dire voilà un morceau. Vrai jusqu'aux os, du beat jusqu'au flow. Un truc parfait au pif, attentionné je suis. Ma vie en jeu, la vie c'est pas Hercule ou pif. Soit tu sors tes griffes, on te croque. Ou bien tes crocs, on griffe. Sauf si t'es naïf, quand il faut agressif. Mais la violence ne mène à rien. Parce que quand tu finis de te bagarrer, y'a rien. Sauf des marques, quand j'en de la haine. Vas-y prends-en de la graine, pas de star ni de la star. Rappeur, qui rime dans un appart. En concert ou bien en acapella dans un squat. Attention à l'erreur qui cause dégâts. Car sur feu, le stylo beat ne s'y gomme pas. J'poursuis le débat, me débat des faux et de leurs conneries. M'éloigne du mauvais, m'rapproche du MIC. Attention à l'erreur qui cause dégâts. Car sur feu, le stylo beat ne s'y gomme pas. J'poursuis le débat, me débat des faux et de leurs conneries. M'éloigne du mauvais, m'rapproche du MIC. Lui pop sourit, explique en fait sa vie sans vouloir. Après plusieurs années, j'finis par voir le bout du couloir. La lumière du trottoir. Pas la couleur du genre. Par contre l'ascar, le business le rend cartard. Champ lexical de la rue le soir. On voit que ce qui se remarque quand il fait noir. Plateforme sur trottoir, clochard en désespoir. Pas bon à cause de l'erreur, sa foi. Mauvaise trajectoire, c'est pas là qu'on verra un phare éclairé. Nouvelle feuille pour de nouvelles idées. Du neuf à informer. La mise à l'amende pour le monde entier. Rappons pendant qu'on est tenté. Rappons pendant qu'on est tenté. Pendant qu'il y a du taf dans le chantier. Dans l'hip hop je suis l'ouvrier. Passe le message crispé. Conseille tes droits, même si tu l'es pas. Viendra le jour où on te le dira. Le jour où les seuls gouttes qui pourront se serrer seront ce tas. Que ce soit dans la vie ou dans le bras. Fais gaffe à la gaffe, trace ton chemin, prévois. L'imprévu, le chaume du la garbage. Si dis qu'il n'y a pas de choix. Dans la vie t'échoues. Si t'es pas né au fond d'un chou. Pourquoi ce légume? Pour mes potes, je le remplace par le bitume. À coup de face, boycott cette expression. Pourquoi? Parce que trop de jeunes sont au sein de la pression. Attention à l'erreur qui cause dégâts. Car sur feuille, le stylo beat ne se gomme pas. J'poursuis le débat, me débat des faux et de leurs conneries. M'éloigne du mauvais, m'approche du MIC. Attention à l'erreur qui cause dégâts. Car sur feuille, le stylo beat ne se gomme pas. J'poursuis le débat, me débat des faux et de leurs conneries. M'éloigne du mauvais, m'approche du MIC. M'approche du MIC. Yo, 5 clics. Yo, RGB, oui.